Qu'est-ce que l'actualité ? Le mot « actualité » a en réalité non pas un seul sens, mais deux. Deux sens, un sens disons dans la vie ordinaire et un sens dans la philosophie un peu technique, deux sens qui semblent extrêmement différents, mais qui ont pourtant quelque chose en commun et qu'il faut prendre au sérieux l'un et l'autre pour comprendre quelque chose d'essentiel dans notre vie elle-même. Ce que les deux sens du mot ont en commun, c'est très simple, disons-le, c'est peut-être la définition la plus générale de ce qu'est l'actualité. L'actualité, disons, c'est le mode le plus extrême, le mode le plus intense de la présence de quelque chose pour nous. Alors évidemment, le premier sens du mot actualité, c'est celui que nous employons quand nous parlons des actualités, c'est-à-dire des choses que nous voyons dans le journal, par exemple, radiophonique, et qui nous apprend les événements du jour, les événements importants du jour. Est actuel, en ce sens d'abord, ce qui est important pour notre vie, ce qui est important pour notre corps. C'est d'ailleurs la définition que donne de l'actualité le philosophe Henri Bergson dans un livre « Matière et mémoire », dont un autre philosophe, Gilles Deleuze, a dit que son enjeu le plus important, c'était le virtuel, l'opposition de l'actuel. On va y revenir. Mais quand même, d'abord, notons cette définition extraordinaire. Est actuel ce qui importe pour notre corps. Le reste, nous ne voulons pas le savoir, ça n'a pas d'actualité, peut-être même pas de présence pour nous du tout. Mais s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une élection présidentielle, s'il y a des événements, eh bien c'est l'actualité. Et la philosophie doit se confronter à l'actualité en ce premier sens. Elle ne doit jamais l'oublier, mais elle l'oublie beaucoup parce que dans la tradition philosophique, il se trouve que le mot actualité a un autre sens apparemment tout à fait différent et même opposé. L'actualité, c'est la manière dont un être réalise toute son essence, toutes ses puissances. Par exemple, pour Aristote, qui a défini finalement ce sens du mot actualité pour toute la suite de l'histoire de la philosophie, avec des présupposés bien sûr, l'enfant n'est qu'un homme en puissance, et c'est l'homme accompli, l'adulte qui accomplit, qui actualise les potentialités de l'essence de l'humain en général. D'ailleurs, quand il vieillira, on se demande s'il sera encore dans l'actualité parfaite de l'humanité. L'actualité, c'est l'existence en acte de ce qui peut aussi exister sans être réalisé, de ce qui existe à l'état virtuel, à l'état potentiel. Et donc, l'actualité, finalement, révèle quelque chose, non pas d'immédiat, de présent, comme le tremblement de terre ou l'élection présidentielle, mais au contraire, une essence cachée, la perfection de l'être humain que Léonard de Vinci a, par exemple, cherché à peindre dans l'actualité de son éclat, de sa beauté aussi, et de sa vérité absolue. Ainsi, d'un côté, l'actualité, c'est le plus immédiat, le plus événementiel, le plus vital, le plus corporel, ce qui masque tout le reste, et d'un autre côté, c'est le mode de réalisation extrême de soi par opposition auquel la virtualité, les potentialités sont toujours en deçà finalement. Et le monde réel n'arrive jamais à actualiser complètement l'essence de son être selon des gens comme Aristote justement, qui pensent que seules les étoiles sont entièrement actuelles, que dans le monde du devenir, eh bien, nous changeons justement. Nous ne sommes jamais en acte pleinement humain. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Il faut en retenir, je crois que le premier sens doit rester premier. Mais qu'en même temps, nous ne devons pas oublier tout ce qui l'occulte. L'actualité, Bergson lui-même le disait, comme Freud, le sentiment de la réalité, le principe de réalité nous masque beaucoup d'autres choses que nous devons pourtant actualiser. Il y a du virtuel à actualiser au-delà de l'actualité qui nous saisit, qui nous surprend et qui nous prend de manière inévitable. C'est pourquoi certains philosophes ont aussi essayé d'être inactuels. Oui, il faut résister à cette prégnance de l'actualité qui est d'ailleurs toujours le lieu d'un combat. Ce sont les humains qui disent ce qui est le plus important pour eux, ce qui est le plus actuel. Et donc, l'actuel n'est jamais un fait, mais aussi un combat. Et ce qu'il faut, c'est aussi actualiser, non pas des essences intemporelles peut-être, mais des puissances, des potentialités qui sont celles de la justice, de la vérité, contre d'autres puissances aussi, qui sont des puissances destructrices. Et donc, finalement, l'actualité est bien un entre-deux, mais un entre-deux qui dépend de nos actions.